telle qu'elle se donne à la une de la mode. Elle a le feu et le fun. Elle est bien dans sa peau, mène au bout ses passions, comme un homme ses ambitions. Symbole romain où l'image de la femme nous provoque et nous charme. Elle se veut.